Urteoz bezala, maiatzen taula da Mauleko festivalan helbuia da karikako ikusgarrier leku baten egitia Maulen eta Mauletarrer hoien ezagutaztia. Aurten berriz, hoetaik badateke dener plazer egiteko. Beatriz Largo. Alors, c'est toujours dans la même conception du festival. Jatuzko espitian egonen da gue festivala. On a toujours des arts de la rue, c'est-à-dire du cirque, karikako artistak nahitu gezagunazi, de la danse, du théâtre, zirko, musika, dansa, antzerki eta beste. Enfin, voilà, toujours, on est toujours dans le même état d'esprit, hein, par rapport à la programmation, une grande variété. Egiazki, ikusgarri eta artistak esberdinak agertzen dira aurten. Et d'artistes, comme chaque année, hein. Alors, on aura 12 ce spectacle, 19 représentations du théâtre, de la musique, de la chanson, de la danse, du cirque, une exposition, très circo. Très intéressante qui aura lieu à la maison du patrimoine, 8 projets scolaires, 3 ateliers amateurs, dont certains sont menés amateur ateliers badiateke Tokia compagnieekin. Voilà, des programmations de spectacles en français et en langue basque. Otan hotz, hamabi ikusgarri, hoietan seina bat uskaz, eta hoi herrian nahikuntu bat da. Des compagnies locales, des compagnies qui viennent... Kanduko kompainiak lanina jasiko dutugu, egualdeko kompainiak ebai, eta hoi, egiazko nahikuntu bat da aurten, herriak indar bat egin nahi behitu, antzerkien bizi azteko uskaz. Eta herrian beste nahikuntu bat, dener zabalik izan dadin kultura mauren, hartakoz, presiuak ahalbezain merke egiten dira, antzerki oen ikusteko paz bat sortuk izan da, hamabost horretan.